إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Bon, en ce qui concerne le sang, est-ce qu'il annule les ablutions ou il n'annule pas les ablutions? On a dit qu'il y a deux avis. Mais le plus vraisemblable, il n'annule pas les ablutions, sauf le sang qui sort des voies naturelles. Et je dis voies naturelles, ça veut dire soit par le qoboul ou le dobor, l'anus, ou par le membre viril, ou par l'endroit où sort l'urine. D'accord? Comme pour la femme, le sang des menstrues, ou pour la femme et l'homme, le sang des hémorroïdes. Ça, c'est un sang qui annule les ablutions. Et la troisième leçon qu'on peut tirer, et bon, la troisième question qui se pose, est-ce que le vomissement et l'expectoration annulent les ablutions? L'imam Ahmed a dit que le vomissement et l'expectoration annulent les ablutions, et selon Shafi'i et Malik, ils ne les annulent pas, car il n'y a pas de preuve, et c'est l'avis d'Ibn Taymiyyah rahimahullah, et c'est le plus vraisemblable, c'est que il n'annule pas les ablutions. D'accord? Si quelqu'un a fait ses ablutions, lui est arrivé de vomir, il ne refait pas les ablutions. Maintenant, on rentre dans le hadith numéro 70. عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. أخرجه مسلم. Selon Jabir ibn Samura, un homme a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dois-je refaire les ablutions après avoir mangé de la viande des ovins? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, si tu veux. Et la personne, il redemanda, dois-je refaire les ablutions après avoir mangé de la viande du chameau? Il répondit, oui. Je répète le hadith. La personne, il a dit, dois-je refaire les ablutions après avoir mangé la viande des ovins? Il a dit, si tu veux. J'ai fait une erreur. Il a dit, si tu veux. Et puis la personne, le redemanda, il a dit, dois-je refaire les ablutions après avoir mangé la viande du chameau? Il a dit, oui, tu dois refaire. Entre parenthèses, tu dois refaire. Et ce hadith est rapporté par Muslim, hadith sahih. Et l'auteur, il a résumé ce hadith. Il a dit ce hadith-là, Ibn Hajar al-Asqalani, il a mis ce hadith sous forme résumée. Mais dans le sahih de Muslim, comme il est, c'est que selon Jabir, un homme demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dois-je refaire les ablutions après avoir mangé de la viande des ovins? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, si tu veux, refais tes ablutions, si tu veux, tu ne les refais pas, répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis la personne redemanda, dois-je refaire les ablutions après avoir mangé de la viande du chameau? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, refais tes ablutions après avoir mangé de la viande du chameau. Et puis la personne, il posa une autre question, il a dit, puis-je prier dans les enclos des ovins? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, oui. Et la personne redemanda, puis-je prier dans les enclos des chameaux? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, non. Ce hadith-là, il est également rapporté par l'imam Ahmed et par l'imam Tayalisi et d'autres. Et il a des hadiths témoins. Et ces hadiths, c'est premièrement sur le hadith d'Al-Bara ibn Azib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, refaites les ablutions. Refaites les ablutions si vous avez mangé de la viande du chameau. Et ne les refaites pas après avoir mangé celle des ovins. Refaites sous forme impérative. Et ce hadith-là, hadith d'Al-Bara ibn Azib, il est rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi ibn Khuzaima et autres. Et il est authentique. Il y a un autre hadith selon Ibn Omar, mawquf, ça veut dire un texte qu'on attribue à Ibn Omar, qui dit qu'on doit refaire les ablutions après avoir mangé la viande du chameau. Et les savants ont dit que les hadiths qui appellent à refaire les ablutions après avoir mangé la viande du chameau sont en nombre de deux. Donc le hadith de Bara ibn Azib et le hadith de Jabir ibn Samura. Le hadith de Omar, d'Ibn Omar et les mawquf. Ce n'est pas le prophète sallam qui a dit, mais c'est Ibn Omar qui a dit ce hadith-là. Et donc parmi ces savants qui ont dit, il y a deux hadiths là-dessus, c'est l'imam Ahmed, Ishaq ibn Rahouya et le Bayhaqi. Maintenant, la question se pose. Est-ce que le fait de manger la viande du chameau annule les ablutions? On distingue deux avis. Le premier avis, manger la viande du chameau annule les ablutions. Et c'est le madhhab de certains compagnons, et c'est le madhhab des gens du hadith, tels que Imam Ahmed, Ishaq ibn Rahouya, Ibn al-Munzir, Al-Bayhaqi, qui est Shafi'ite, Ibn al-Arabi, Ibn al-Arabi, le Maliki, pas Muhyiddin, pas l'égaré, le soufi. C'est Ibn al-Arabi, c'est celui qui a fait Ahkam al-Qur'an. Ibn al-Arabi, le Maliki, Yahya ibn Yahya, le Malikite, et l'imam Nawawi aussi, dans Sharh Muslim, a dit, c'est l'argument, c'est la vie qui est fondée sur l'argument le plus fort. Quoique le Jumhur, la foule des savants, pense autrement. Donc Nawawi, on sait que c'est Nawawi qui a fait l'explication de Muslim, et il a dit, c'est l'argument qui est basé sur, c'est la vie qui est basée sur des arguments forts. Donc ça, il y a certains qui disent non, c'est pas un argument fort, etc. Mais le hadith, il est rapporté par Muslim. Là, pour ceux qui contestent le fait de manger la viande du chameau n'annule pas les ablutions. Et je continue toujours sous cet avis-là. Al-Bayhaqi, il rapporte que l'imam Shafi'i a dit, l'imam Shafi'i, il voit pas que manger la viande du chameau annule les ablutions. Al-Bayhaqi, il rapporte, que l'imam Shafi'i a dit, si ce hadith au sujet de refaire les ablutions après avoir mangé la viande du chameau s'avère authentique, je l'adopterai. Donc Shafi'i, il penche vers ce côté-là. Il a dit que si un hadith vraiment authentique sur le fait que manger la viande du chameau annule les ablutions, ben je prendrai cet avis-là. Mais lui, il prend l'avis contraire. Parce qu'il n'est pas authentique pour lui. Il ne voit pas qu'il est authentique. Et les deux hadiths, bon, sont des preuves claires et nettes sur l'obligation de refaire les ablutions lorsqu'il s'agit de la viande du chameau. Car dans le hadith de Jabir, le prophète sallam a laissé le choix pour la viande des ovins, il ne l'a pas laissé pour la viande des chameaux. Il a dit, dois-je faire les ablutions, dois-je reprendre mes ablutions après avoir mangé la viande des ovins? Il a dit, si tu veux, tu refais, si tu ne veux pas, ça dépend. C'est toi qui vois. Il lui a donné le choix. Mais quand il s'agit de la viande du chameau, il a dit, refais tes ablutions. Donc ça, c'est un argument solide. Et il y a aussi le hadith de l'Bara où il dit, refaites les ablutions après avoir mangé la viande du chameau. Donc sous forme impérative, fa'al amr, ça veut dire qu'il est obligatoire. Le deuxième avis maintenant. Le deuxième avis, c'est que le wudu après avoir mangé la viande du chameau n'est pas obligatoire. C'est l'opposé du premier avis. Et l'imam Nawawi, dans Sharh Muslim, dans l'explication de Sharh Muslim, il a attribué cet avis aux quatre califes. Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Et il a attribué cet avis à Ibn Abbas, à Abu Darda, à Ubay, Ibn Ka'b, à Abu Umama et d'autres compagnons, et une foule de tabi'in, et les trois imams, Malik, Shafi'i, Abu Hanifa et beaucoup d'autres savants, ils disent que les ablutions ne s'annulent pas après avoir mangé la viande du chameau. Mais l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans son livre Al-Qawa'id al-Nouraniyya al-Fiqhiyya, il a contesté le fait que les quatre califes ont adopté cet avis. Et il a dit, leur attribuer ceci est une erreur. Donc il a contesté ceci. Et Ibn Abi Shaybah, le Bayhaqi, il rapporte selon un bon isnad que Jabir Ibn Samura a dit, nous faisions les ablutions. Donc, s'il dit nous faisions, ça veut dire que c'est un groupe de compagnons. Pas un seul compagnon ou deux, c'est une foule de compagnons. Il dit, nous faisions les ablutions après avoir mangé la viande du chameau et nous ne le faisions pas lorsqu'il s'agit de la viande des ovins. C'est donc un avis de nombreux compagnons. Ça, c'est l'avis qui conteste le fait que... Et l'argument de la foule des savants, l'argument de Shafi'i et Abu Hanifa et Malik, qui disent que ça n'annule pas, c'est qu'ils disent que ces hadiths-là, le hadith de Al-Bara ibn Azib et le hadith de Jabir, ils sont abrogés, mansoukh. Ils ont été abrogés. Ça veut dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au début, il a obligé quelque chose et après, il l'a abrogé. D'accord ? Et il y a des exemples de l'abrogation dans le Coran et dans la Sunna. D'accord ? Il y a l'exemple de... Il y a l'exemple de l'adultère. Dans Sourate An-Nisa, il dit que ceux qui commettent l'adultère, vous ramenez les témoins, et vous les enfermez dans le... De... Si la femme a commis l'adultère, vous l'enfermez dans la maison jusqu'à ce qu'elle meure. Mais après, ça a été abrogé par la lapidation. N'est-ce pas ? Donc, il y a beaucoup de preuves. Et de même, le jeûne, les gens avaient le choix entre jeûner et ne pas jeûner, mais ça a été abrogé. C'est les deux versets qui se suivent. D'accord ? Les deux versets du jeûne qui se suivent, où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « فَمَنْ تَطَوْعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَا » Non, avant. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Donc il a dans le verset, dans un verset, il a donné le choix. Et dans le verset qui vient après, il dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Celui qui voit la lune, qui voit la rentrée du mois de Ramadan, qu'il jeûne. C'est obligatoire. Donc il y a un verset qui a abrogé le verset précédent. D'accord ? Qui lui précède. D'accord ? Donc il y a des exemples d'abrogation dans le Coran et dans la Sunna. Donc eux, ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début, il a interdit aux gens, il a demandé aux gens de refaire, de prendre leur ablution après avoir mangé la viande du chameau, et après il a abrogé cette loi par l'autre hadith, par le hadith selon Jabir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit par renoncer à prescrire les ablutions pour tout ce qui avait été en contact avec le feu. Il a dit Kana akhiru al-amrayn من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. Il dit voilà. Il dit la dernière chose. Bon, le prophète صلى الله عليه وسلم, il a fini par renoncer à prescrire les ablutions pour tout ce qui avait été en contact avec le feu. Que ce soit viande du chameau, viande des ovins. Et donc ils ont dit que ce hadith-là, il a abrogé les autres hadiths. Et ce hadith, il est authentique. D'accord. Comme l'a signalé l'imam Nawawi et autres. Donc pour eux, si la prescription de faire ses ablutions après avoir mangé ce qui avait été en contact avec le feu a été abrogée, donc il en est de même pour la viande du chameau. D'accord ? Mais cette argumentation, Wallahu a'lam, n'est pas convaincante. Pour des raisons. C'est que le hadith, où il est obligatoire de refaire le wudu après avoir mangé la viande du chameau, est un cas particulier. On dit hadith khas. Et le hadith du renoncement à prescrire les ablutions pour tout ce qui avait été touché par le feu, ça veut dire la viande cuite, etc. Ce hadith-là, c'est un hadith général. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fini par renoncer à prescrire les ablutions pour tout ce qui avait été en contact avec le feu. Ça, c'est un hadith général. D'accord ? Tout ce qui est... Que ce soit viande ou légumes ou pâtes, tout ce qui avait été en contact avec le feu, ben le prophète a dit vous ne refaites pas les ablutions. Ça, c'est un hadith général. Mais le hadith de la viande du chameau qu'il faut refaire les ablutions, c'est un hadith spécial, parce que la viande du chameau, il fait partie de ce qui est touché par le feu. Donc, d'accord? Il fait partie des autres viandes et il fait partie de tout ce qui a été touché par le feu. C'est un hadith spécial. Bon, les savants, dans l'osol, dans l'ilm osol, dans ce qu'on appelle les fondements de la religion, ils mettent en avance le spécial avant le particulier avant le général. D'accord? Ils mettent al-khassu muqaddamun al-am. Donc ça, c'est un raisonnement des gens, des ulama de l'osol, des savants qui s'intéressent au fondement de la religion. Ils disent toujours, s'il y a un hadith, il y a un hadith où il y a un cas spécial, et il y a un particulier, et il y a un hadith qui parle du cas général, on met en avant, ils devancent le hadith particulier, ils devancent le hadith général. Et ils ont mis en avant le hadith de l'interdiction, le hadith de refaire, le fait de refaire les ablutions après avoir mangé la viande des chameaux. Donc ça, c'est l'un de leurs raisonnements. Ça, c'est un point. Les objections que peuvent faire les savants qui disent que qui disent que le fait de faire les ablutions, le fait de manger la viande des chameaux annule les ablutions, parmi leurs objections, c'est le hadith de Jaber ibn Samura et celui de Bara ibn Azib sont des preuves de l'obligation de refaire les ablutions après avoir mangé la viande des chameaux. Donc ce sont des preuves claires de l'obligation de faire les ablutions. C'est le hadith de Samura, le hadith de Jaber ibn Samura, le hadith de Bara ibn Azib. Sur la personne, quand il est venu voir le prophète, il dit, dois-je refaire les ablutions après avoir mangé la viande du chameau, etc. Donc ces hadiths-là sont des preuves claires qu'il faut refaire les ablutions après avoir mangé la viande du chameau. Et c'est en même temps des preuves claires qu'il est autorisé, qu'il n'est pas obligatoire de refaire les ablutions après avoir mangé d'autres viandes, alors que les deux viandes ont été touchées par le feu. D'accord? Donc les deux viandes ont été touchées, ont été cuites, ont été touchées par le feu. Donc ça, c'est une argumentation des savants qui disent qu'il est obligatoire. Ça, c'est une réponse de ces savants-là au Jumhur qui dit qu'il n'est pas obligatoire. C'est un peu dur ce genre de raisonnement, mais essayez de réviser après ça là-dessus et de méditer bien là-dessus. Donc le prophète sallam, il a établi une distinction, tafriq, entre la viande du chameau et la viande des ovins. C'est donc un statut particulier délibérément voulu. Il a fait cette séparation et donc c'est clair qu'il faut refaire les ablutions. La troisième objection, c'est que nasr, l'abrogation, ne saurait jouer qu'en cas de contradiction, ta'arud al-adilla, et lorsque la chronologie des textes est bien établie. On utilise nasr, l'abrogation, que si les textes se contredisent, que si la contradiction des textes est connue. D'accord? Sinon, jamais les textes ne se contredisent, jamais les textes, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala ne se contredisent. D'accord? Mais on ne dit qu'il y a abrogation que si on voit qu'on ne peut pas faire la corrélation entre les dalils. Il n'y a aucun. On a utilisé tous les moyens, on n'a pas trouvé de moyens pour faire la corrélation. C'est pas facile de dire qu'il y a un nasr vite fait. Non, il faut chercher toutes les preuves pour faire que les dalils, les preuves se confirment et s'approuvent. Donc s'il n'y a pas moyen, on dit qu'il y a un nasr. Mais il y a une autre condition, c'est qu'on doit connaître la chronologie. Parce que l'abrogeur, il est ultérieur à l'abrogé. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a autorisé, puis après il l'a interdit. D'accord? Donc ça, c'est des preuves. Ça, c'est comment raisonner, comment utiliser l'abrogation. Et là, il n'y a pas, ils disent, ceux qui émettent cette objection, ils disent qu'il n'y a pas de preuves que les hadiths du renoncement rapportés par les quatre hadiths du Jabir soient postérieurs. Il n'y a pas de preuve. Comme quoi, le hadith qui est rapporté par les quatre, Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa, Ibn Majah, selon Jabir, lorsqu'il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fini par renoncer à prescrire les ablutions pour tout ce qui avait été en contact avec le feu, il n'y a pas de preuve que ce hadith-là, il est postérieur. Il est ultérieur. Il est venu après les hadiths de l'obligation de refaire les ablutions. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il rapporte de beaucoup de savants qu'ils ont dit que les hadiths où c'est recommandé de refaire les ablutions font partie des dernières traditions. Ils ont dit qu'ils font partie. Donc là, on ne peut pas dire qu'il y a abrogation. Donc la deuxième condition du nasr, dans ce cas-là, il fait défaut. La condition qu'on doit connaître la chronologie. Ibn Taymiyyah dit, vous ne connaissez pas la chronologie. Et si on analyse et on cherche la chronologie, ben écoutez, les hadiths qui disent qu'il est interdit, qu'il est obligatoire de refaire les ablutions, ben ils font partie des dernières traditions du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont abrogés. Et l'imam Ahmed aussi, il y a un autre raisonnement de l'imam Ahmed, il dit, bon, il s'étonne de ceux qui voient qu'on doit refaire les ablutions au simple toucher du membre viril et ne voit pas d'ablution quand on a mangé la viande du chameau, alors que ce dernier est prouvé par des hadiths plus authentiques que les premiers. Il y a des savants, il y a des fuqaha, il exige les ablutions après avoir touché le membre viril, et il n'existe pas d'ablution lorsqu'on a mangé la viande du chameau, alors que les hadiths qui parlent du fait de refaire les ablutions après avoir mangé la viande du chameau sont plus forts et plus authentiques. D'accord. Et Ibn Taymiyyah dans le Qawa'id An-Nouraniya, dans ce fameux livre, il dit, si le simple fait de toucher, là il utilise un peu le raisonnement des fuqaha, le simple fait de toucher le membre viril a un effet sur l'homme, il en est en tout cas moins fort que l'effet que peut causer le fait de manger la viande du chameau. On va détailler ce raisonnement là. Car il a dit que dans la bosse, il rapporte que dans la bosse des chameaux, se cache un démon. Il y a des hadiths. Et que les chameaux possèdent une force démoniaque. Et on sait, il a dit aussi que l'aliment communique. Là, il commence à raisonner et à aller loin dans le raisonnement des fuqaha, des grandes têtes pour... Là, on peut déduire la valeur de cet homme-là dans le fiqh. Il s'est distingué dans le hadith, dans le fiqh, dans la langue arabe. Et il dit, rahimahullah, il dit, on sait que l'aliment communique sa nature à celles qui sont nourries. Il a dit que c'est pour cela que la loi a interdit de manger les bêtes sauvages qui ont des canines et les oiseaux qui ont des cerfs. D'accord? Et il a dit, car ce sont des bêtes féroces, et que leur nature, si l'homme s'en nourrissait, transmettrait sa nature, transmettrait à sa nature, à la nature de l'homme, une férocité sauvage qui le détournerait de sa religion. Il a donné cette raison-là, et il a dit, écoutez, là, le chameau, on a des hadiths comme quoi, dans sa bosse, il y a un démon, et que lui, il a une force démoniaque, donc il risque de transmettre cette nature à l'homme. Et donc ça, il a dit, le fait de manger carrément cette viande est plus exige les ablutions plus que ne l'exige le simple fait de toucher son membre viril. Vous avez remarqué, vous avez touché ce genre de raisonnement. Et il a dit, en effet, pour éteindre cette force démoniaque, on fait les ablutions. Et c'est pour cette raison que le prophète sallam a interdit de faire la prière dans les enclos des chameaux. Le hadith, il est clair. Dois-je faire la prière dans les enclos des chameaux? Non. Puis-je faire la prière dans les enclos des chameaux? Non. Puis-je faire la prière dans les enclos des ovins? Oui. Donc, là, il argumente encore son avis. Il dit, c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit de faire les ablutions dans les enclos des chameaux où les démons séjournent en permanence, et il l'a autorisé dans les enclos des ovins. Et ce qui appuie ce raisonnement, c'est le hadith rapporté par Cheikhan, al-Bukhari ou al-Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'orgueil et la vanité résident chez les gros propriétaires de chameaux. Et la tranquillité d'âme, sakina, chez les propriétaires des ovins. Vous avez remarqué ce raisonnement-là? Donc, les propriétaires des chameaux, c'est comme s'ils, à force de manger et de fréquenter les chameaux, cette nature démoniaque des chameaux, elle est transmise. Et Ibn Taymiyyah a dit, rahimahullah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans une tradition rapportée par les Sunan. Les Sunan, ça veut dire Abu Daoud, Tirmidhi, autre que Shaykhan. Il a dit, la colère vient du démon, le démon vient du feu, et le feu n'est éteint que par l'eau. Et il a dit, encore ailleurs, si l'un d'entre vous se met en colère, qu'il fasse ses ablutions. C'est un hadith, ce hadith-là, il est Hassan, il est qualifié de Hassan par Tirmidhi, mais l'Albani l'a qualifié de Daïf. Donc ça, c'est encore des arguments sur lesquels il s'est basé pour dire qu'il y a une raison et qu'il faut refaire les ablutions après avoir mangé la viande du chameau. Donc s'il donne la raison, parce que lui, s'il donne la raison derrière ça, il casse ceux qui ont dit qu'il y a abrogation. D'accord? Et il y a une règle chez les fuqaha que si un texte s'il y a un hadith ou un verset sur l'obligation de faire quelque chose ou l'interdiction de faire quelque chose avec ce verset là ou ce hadith là, l'interdiction a été mentionnée avec sa raison, l'abrogation n'a pas lieu. D'accord, ça c'est, il s'est basé sur ça aussi pour répondre à ceux qui disent qu'il ne faut pas faire les ablutions après avoir mangé la viande du chameau. Les contemporains qui voient cet avis, c'est Albani, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, les grands savants contemporains, ils disent qu'il faut refaire les ablutions après avoir mangé la viande du chameau. Et on est sûr que Ibn Baz, Al-Uthaymin, Albani et tout sont les gens les plus rigoureux quand il s'agit de l'imitation aveugle de madhab. D'accord? C'est des gens, mais s'ils voient que l'imam Ahmed s'est trompé dans une chose, il n'adopte pas son avis. Et pourtant, ils ont dit que c'est obligatoire. Allahu a'lam. Ça aussi, on a donné ces arguments-là parce qu'il y a des gens qui minimisent cet avis-là, ils méprisent même, ils disent, oh, c'est pas, après, quelle est la différence entre la viande du chameau, la viande du mouton, la viande du poulet? Maintenant, on a donné les arguments. Et quand les fuqaha, ils adoptent un avis, ils ne jouent pas. Quand ils prennent un avis, ils ont des arguments. Il ne faut pas sous-estimer les grands savants, il ne faut pas sous-estimer les avis, même s'ils sont contre nos avis à nous, ou contre nos madhab, nous les hanafites, ou nous les malikites, parce qu'on fait partie des gens du Maghreb, etc. Donc ça, c'est les deux avis. Maintenant, il y a une question qui se pose. Les ablutions pour tout ce qui avait été touché, pour tout ce qui avait été en contact avec le feu. Est-ce qu'on doit refaire les ablutions après avoir mangé quelque chose qui avait été en contact avec le feu ou non? Bon, les hadiths que nous avons étudiés, les hadiths qu'a évoqué Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, n'ont pas de rapport avec ça, avec cette question. Mais lors des discussions, cette question a été soulevée. Et on distingue trois thèses. La première thèse, c'est celle des quatre califes, comme l'a souligné Nawawi, et c'est le madhab des quatre imams, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Imam Ahmed, et la foule, Jumhur, Salaf, la foule des prédécesseurs et des successeurs, Al-Khalaf, qu'il n'est pas obligatoire de refaire les ablutions parce que, après avoir mangé quelque chose qui avait été en contact avec le feu, et leur preuve, c'est le hadith de Jabir, que le professeur sallam finit par renoncer à prescrire les ablutions pour tout ce qui avait été en contact avec le feu. Hadith rapporté par les quatre, c'est hadith qu'on a dit qu'il est qualifié d'authentique par l'imam Nawawi. La deuxième thèse maintenant. La deuxième thèse, c'est l'obligation de refaire les ablutions après avoir mangé ce qui avait été en contact avec le, cet avis-là, ceux-là ils disent obligatoire, et c'est l'avis de Omar ibn Abd al-Aziz, rahimahullah, et de Hassan al-Basri et de Zuhri. Et leur argument, c'est hadith de Abu Huraira, et le hadith selon Aïcha que le prophète a dit, faites les ablutions pour ce qui avait été en contact avec le feu. Et le hadith, il est rapporté par Muslim. D'accord ? Par hadith rapporté par Muslim. Hadith de Abu Huraira et hadith, le hadith de Aïcha radiallahu anha. Jusqu'au point où il y avait une discussion entre Ibn Abbas et Abu Huraira là-dessus. Et Ibn Abbas commence à, devant Abu Huraira à raisonner, à donner des raisonnements par analogie. Il dit, oh Abu Huraira, si je me lave avec l'eau chaude, qu'est-ce que je dois faire? Je refais les ablutions pour, parce que j'ai utilisé l'eau chaude. Et Abu Huraira, il l'écoutait, puis il a pris un amas de cailloux. Il a dit, je jure par Allah, le nombre de ce cailloux-là, j'ai rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit, faites les ablutions après avoir mangé ce qui avait été en contact avec le feu. D'accord ? Ce hadith, il est clair, il est authentique, il est rapporté par Muslim. Et donc, ceux qui ont pris ce hadith-là, ils ont dit qu'il est obligatoire. Les autres ont dit, non, il n'est pas obligatoire, parce que bon, au début, il a dit, faites les ablutions, et après, il a dit, Jabir a dit, la dernière des choses que j'ai, c'est que j'ai vu le prophète sallam, ne pas prescrire les ablutions après avoir mangé ce qui a été touché par le feu. La troisième thèse, il est souhaitable de faire les ablutions pour tout ce qui avait été touché par le feu. D'accord? La première, c'est celle des quatre califes, etc. C'est qu'il n'est pas obligatoire. La deuxième, c'est qu'il faut refaire les ablutions. Et la troisième, il est souhaitable. Il vaut mieux. Il est souhaitable. Il est souhaitable de faire les ablutions, de refaire les ablutions après, pour tout ce qui avait été en contact avec le feu. Et c'est l'une d'entre les deux versions de l'imam Ahmed. Et cette version a été soutenue par Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dans Qawa'id al-Nouraniyya. Et leur preuve, c'est l'abrogation n'est pas confirmée. Ça veut dire que le hadith de Muslim selon Abu Huraira et Aïcha, que le prophète sallam a dit, faites les ablutions pour tout ce qui avait été en contact avec le feu. Et le hadith Jabir, il dit, le prophète sallam a fini par prescrire les ablutions, renoncer de prescrire les ablutions pour tout ce qui a été touché avec le feu. Ce hadith-là du Jabir n'a pas abrogé. Ils disent l'abrogation n'a pas lieu et on peut pas dire qu'il y a abrogation. Tout ce qu'on peut dire pour réunir les preuves, c'est que le statut juridique du premier, l'obligation, selon hadith de Abu Huraira et Aïcha, et hadith de Jabir, il a fait baisser le statut juridique de l'obligatoire, de l'obligation au souhaitable. De l'obligatoire au souhaitable. Wallahu a'lam. Donc, pour réunir les dalils, Ibn Taymiyyah, il a dit que c'est juste, que c'est souhaitable et n'est pas obligatoire. Et il a dit, Ibn Taymiyyah, c'est que Jabir, il a vu seulement, il a peut-être vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pas refaire les ablutions après avoir mangé quelque chose qui a été touché par le feu, et il l'a dit. Et c'est l'avis parmi les contemporains, c'est l'avis du Cheikh Alban, wallahu a'lam, car j'ai vu dans le Wajiz que Abdel Adim, l'auteur Abdel Adim al-Badawi, il a mis sur le chapitre cas où il est souhaitable de faire les ablutions, titre cas où il est souhaitable de faire les ablutions. Et il a mis cinquièmement, après avoir mangé ce qui avait été touché par le feu, dans la page 39. Et Abdel Adim, il prend beaucoup de Cheikh Albani. Allahu a'lam, c'est l'avis du Cheikh Albani aussi. Donc, il est souhaitable, Allahu a'lam, de faire les ablutions pour tout ce qui avait été touché par le feu. Maintenant, le hadith 71. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه وقال أحمد لا يصح شيء في هذا الباب selon أبو هريرة le prophète صلى الله عليه وسلم a dit quiconque lave un mort qu'il fasse les grandes ablutions Et quiconque le porte, qu'il fasse ses ablutions, qu'il fasse le wudu. Hadith rapporté par Ahmed, Nasa'i, Tirmidhi. Et Tirmidhi l'a qualifié d'assez bon, Hassan. Et Ahmed commenta, rien n'est authentique à ce sujet. C'est ce qu'a signalé le Ibn Hajar al-Asqalani, l'auteur. Bon, source canonique de ce hadith-là. Il a rapporté, bon, on a dit par Abu Daoud, par Tirmidhi. Il est également rapporté par Ibn Majah et par Imam Ahmed lui-même, et par le Bayhaqi, Daraqutni, Tabarani et autres. Et c'est un hadith rapporté selon sept voies. Ça veut dire qu'il y a sept chaînes de rapporteurs. Et il est qualifié d'assez bon par Tirmidhi. Et Zahabi, l'élève de Ibn Taymiyyah, rahmahullah, il a dit que les juristes, les fuqaha, se fondent sur des traditions qui n'ont pas le degré d'authenticité de ce hadith. Et il l'a qualifié d'authentique. Il a dit, de toute façon, les fuqaha, les juristes, ils se basent des fois sur des hadiths qui n'ont même pas le degré d'authenticité de ce hadith-là, de Abu Huraira. Et Ibn Hajar, dans Talkhis al-Habir, Ibn Hajar, dans un autre livre, Talkhis al-Habir, il a dit, dans les pires des cas, il peut être assez bon, Hassan. Et il a répondu à Nawawi, il a dit, l'objection de Nawawi sur Tirmidhi n'est pas fondée. De même, ce hadith, il est qualifié d'authentique par Ibn al-Qattan, Ibn Hazm, dans son Muhalla, et par Ibn al-Qayyim, dans Tahdhib al-Sunan. Et c'est un hadith, bon, le hadith, comme on a dit, il est qualifié de faible par l'imam Ahmed et par l'imam al-Zuhli. Et l'imam al-Hakim, il qualifie ce hadith d'authentique. Et ce hadith-là, il a des hadiths témoins. C'est que Aïcha a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith, il a des hadiths qu'il approuve. Comme le hadith de Aïcha, qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on fait les grandes ablutions, le ghusl, pour quatre choses. Dans le cas de souillure majeure, janaba, après l'application des ventouses, al-hijama, et le jour du vendredi, et lorsqu'on lave un mort. Ça, c'est le hadith de Aïcha. Et ce hadith, il est rapporté par Abu Daoud. Ça, c'est le premier témoin. L'autre témoin, c'est le hadith selon Ali. Et lorsque Abu Talib, l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est mort, Ali est allé voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit, ton oncle, le vieux égaré, est mort. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, va l'enterrer, il ne fait rien avant de venir me voir. Le prophète sallam a dit ça à Ali radiallahu anhu. Et lorsque Ali revint voir le prophète sallam, le prophète sallam lui demanda de faire le ghusl, de faire les grandes ablutions. Et ce hadith, il est rapporté par Abu Daoud, Al-Nasa'i et autres, et ils l'ont qualifié d'authentique. Et beaucoup de savants aussi ont qualifié ce hadith-là, ou beaucoup de savants ont qualifié ce hadith-là d'authentique. Il y a un autre témoin, c'est selon Hudhayfa ibn al-Yaman, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque lave un mort, qu'il fasse le ghusl. Et hadith là, Allah a'lam, il est authentique. Et donc, conclusion, avec ce shawahid là, ce hadith là est du degré du hasan, d'assez bon ou de sahih. Le hadith qu'on a évoqué, il est soit hasan ou sahih, et parmi les contemporains qui ont qualifier ce hadith d'authentique, c'est le Cheikh Al-Albani dans son livre Ahkam al-Janaiz. Maintenant, il y a une question qui se pose. Est-il obligatoire de faire les grandes ablutions après avoir lavé un mort et les petites ablutions après l'avoir porté ou non? Cheikh Al-Albani, rahmahullah, dans Kitab Ahkam al-Janaiz, il a dit, à première vue de ces hadiths, ressort l'obligation de refaire le wudu. De refaire le wudu après avoir porté le mort. Mais on ne peut pas dire que c'est obligatoire, car certains hadiths l'empêchent. Les hadiths suivants, deux hadiths l'empêchent. Le premier, il a dit, selon Ibn Abbas, marfou', ça veut dire une chaîne qui remonte à Ibn Abbas. Où Ibn Abbas, il dit, vous n'avez pas à faire de ghusl si vous avez lavé votre mort, car il n'est pas impur. il vous suffit de laver vos mains seulement. Laysa alaykum fi ghasli mayyitikum ghuslun idha ghasaltumuh fa inna mayyitakum laysa binajis fa hasbukum an taghsilu aydiyakum. Donc il a dit ce hadith là. Il dit vous n'avez pas à refaire à faire l'autre. Et ce hadith l'a rapporté par Al-Hakim, volume 1, page 386, et Al-Bayhaqi, volume 3, page 398. Et Al-Hakim l'a qualifié d'authentique, et Zahabi l'a approuvé, comme a dit Cheikh Al-Bani Rahimahullah. Et il a dit qu'Ibn Hajar, dans Talkhis, Al-Habir, a dit qu'il a un isnad assez bon. Et Al-Bani a dit, bon, ça c'est, il a dit ce qui m'est le plus vraisemblable, c'est que ce hadith-là est authentique en tant que mawquf, comme je l'ai analysé dans ce sidat al-hadith al-da'ifa. Il a dit, lui, il voit que ce hadith-là s'arrête à Ibn Abbas, que c'est l'avis d'Ibn Abbas. Et le deuxième témoin, la deuxième preuve qui le pousse à dire qu'il n'est pas obligatoire de refaire le wudu après avoir porté le mort ou de refaire les grandes ablutions après l'avoir lavé, c'est le hadith d'Ibn Omar. Il dit, Ibn Omar a dit, nous lavions les morts, certains parmi nous font le rusl, les grandes ablutions, d'autres non. Et c'est un hadith rapporté par Dayrakhutni, par Al-Khatib al-Baghdadi, par Ibn Hajar qui a dit isnad authentique. Et Al-Khatib il rapporte que l'imam Ahmed a recommandé à son fils Abdullah d'écrire ce hadith. Que l'imam Ahmed ibn Hanbal, il a demandé, exigé de son fils d'écrire. Donc s'il lui demande d'écrire ce hadith, ça veut dire qu'il l'approuve. Et donc, dans ces hadiths, comme a dit Al-Bani, il dit que ça fait baisser le statut juridique de l'obligation de refaire les ablutions après avoir porté à mort ou de l'obligation de faire le rusl après l'avoir lavé, de ce statut juridique qui est l'obligation au souhaitable. Il dit il est souhaitable de refaire les ablutions après avoir porté à mort et il est souhaitable de faire le rusl après avoir lavé âme à mort. D'accord? Et on termine ici. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.